J'aurais voulu te dire, mon amour ne parle pas. La vie est courte, elle m'a fait mal dans le passé au garde-plat. J'aurais voulu me dire, ne fais pas n'importe quoi. Un jour ou l'autre, tu regretteras, oh mon papa, ne parle pas. J'aurais voulu te dire, s'il te plaît, laisse-moi mon fils. Demain, je serai plus là et t'en fais un sacrifice. J'aurais voulu me dire, que le monde est l'ombre de moi. Nombreux sont les mauvaises ondes. J'aurais voulu te dire, que Néochrome, c'était à la mort. Désolé les frères, on n'était pas d'accord. J'aurais voulu vous dire, tant de choses pour tant de causes. Chose à dire sur une musique. Mélodie unique, c'est ma musique. Après c'est un vieux des anciens bâtiments. Y'a des vaches, je te le dis gentiment. Chose à dire sur une musique. Mélodie unique, c'est ma musique. Après c'est un vieux des anciens bâtiments. Y'a des vaches, je te le dis gentiment. J'aurais voulu te dire, ne côtoie pas tel ou tel. Y'a de belles peines, regarde vers le ciel. J'aurais voulu me dire, n'achète pas cette bague. Ce n'est pas une femme, mais ce n'est qu'une blague. J'aurais voulu me taire, écoutez ma mère, écoutez mon père. J'étais trop déter à fumer mon terre. J'aurais voulu te dire ce que des gens ne disent pas. Mais parfois les sentiments sont transparents, ne triche pas. J'aurais voulu nous dire, on est trop soudés. C'est les frères Billard, on va les faire douter. J'aurais voulu te dire, toi t'es mon ami. Mais tu peux le traiter, ça c'est mon avis. Tant de choses à dire sur une musique. Mélodie unique, c'est ma musique. Après c'est un véga des anciens bâtiments. Y'a des vaches, je te le dis gentiment. Chose à dire sur une musique. Mélodie unique, c'est ma musique. Après c'est un véga des anciens bâtiments. Y'a des vaches, je te le dis gentiment. Si je pouvais, si je trouvais le moyen de partager ce que je pense. Si je louais, je m'oublierais sûrement lors d'une dernière danse. Moi j'ai tout dit ce que j'en pense. C'était clair en mon âme et conscience. Fin du poème, fin du game. Loin des promesses, loin des peines. Tant de choses à dire sur une musique. Mélodie unique, c'est ma musique. Après c'est un véga des anciens bâtiments. Y'a des vaches, je te le dis gentiment. Chose à dire sur une musique. Mélodie unique, c'est ma musique. Après c'est un véga des anciens bâtiments. Y'a des vaches, je te le dis gentiment.